l'orpice qu'on attendait dans la neige gelée. Le bâton planté brille dans le ciel qui sourit. Dans les baraques à frites, les marmottes sont bloquées. Un vin chaud et puant attendra les monoskis. Les skieurs mangeront une tartiflette cramée. De poignée. Les mouches nues qui skiaient sur les plateaux jaunis. Dans les œufs de verbier, les éléphants débarqués. Dans le froid de l'hiver, gueuleront Stéphanie. Les fourmis transpirées devant les remontées. Affaibli sur les montagnes sacrées. Les rennes s'étranglaient dans les dragons à Rémi. Vraiment con et nanti, les moniteurs surferaient. Quand il sort de l'œuf, explose le Dahu Rémi. Les chamois gerbaient quand le vent les fouettait. Déclencher la dangereuse coulée, alors que Yeti, couché sur sa bite rabougrie, ainsi Raoul du Tirfest est tombé, pour les mauvais esprits, il n'y a pas de ski, car les amis se rencontrent dans les œufs de verbier. Le singe ensanglanté sur les pistes tortueuses, ils sont tombés. Aussi les pistes blanches, une couleur Nutella. Alors écoute ma chanson et au chalet du sommet, ne fais pas de mono skate.